rap, grave platine, blase de tard et gravé fat dans la rétine. Hip-hop, des tonnes de noms, un mouvement comme des talons lors d'un siwok sur le goudron. Hip-hop, des chips tournant sur la tête, puis qu'on censure avec des bidons de fond, c'est pas net. Hip-hop, celui que je connais a des valeurs. Sans déconner, yo, je les commets tous tes malheurs. Grosse caisse, caisse, claire, est-ce clair qu'il est temps de bouger tes grosses fesses? Laisse faire les promesses, j'espère t'assassiner. Dexter, ou te fasciner. Mesmer, expert en hypnose. Une petite dose de Bilbo Baggins sur micro et tu finis sous psychose. Because, faut parler bien, non, non, faut parler mieux. Non, ferme ta gueule quand le petit cause. De beatbox, de beat rock, de hip hop. Oh, je m'en mêle, mais bon, c'est hip hop. De big frog, de rapolique insistant comme des ivrognes, de femmes jolies, de petites connes, de big love, de fat money, trop vite avec un big noble. Regarde mon hip hop et tu vas capoter, il n'est pas mort, galope. Cité de ceux qui l'ont saboté, cité de ces salopes qui nous ont carottés. Je te mets une enveloppe d'anthrax dans la glotte, pas voter. Non, je suis cool comme le hip hop, groove comme le hip hop. Devine ce qui coule dans mes veines, du hip hop, KRS Biggie, méthode Mendez, Prest ou pas, Kizzy, il est fou, Jizzo. Hip-hop, rap, grave platine, blase de tare, grave et fat dans la rétine. Hip-hop, des tonnes de noms, un mouvement comme des talons lors d'un siwok sur le goudron. Hip-hop, des types tournant sur la tête, puis qu'on censure avec des visions de sens et pas net. Hip-hop, celui que je connais a des valeurs. Sans déconner, yo, je les commets tous tes malheurs. Hip-hop, quand tu entends les beats qui pètent et qui te portent, quand la compète frappe à ta porte. Hip-hop, celui où personne ne conteste, si tu peux prouver que tu as de bons textes. Hip-hop, balance la patte, bouge ton corps, tu trouves ça hardcore, attends que ça parte. Hip-hop, quand les danseurs ont la rage, deviennent barges, faut que tu piges que c'est beaucoup plus large que le hip-hop. L'amour du savoir et le fun, si tu sais penser ou danser, tu peux balancer ton gun. Yo, hip-hop, quand les couleurs remplacent le sun, les douleurs laissent la leur au sun. J'ai des balles et des phases et des races et des gars qui étaient parés. Fais v'là les écarts, mais je vais pas laisser la télé parler. Baiser par les tâches, bavé, j'ai tapé des sabres, je vais tailler. Écraser des crânes, c'est taille, c'est mes cras et des tailles. Yo, je vais décaler le truc, mec. Allez, faut que tu bouges la nuque, ou l'addition sera salée. Oula, dis donc, la salle est en train de faire la hola. En dansant, le coupé décalé, c'est ça, c'est le hip hop. Hein? C'est ça, c'est le hip hop. Des tonnes d'ambiance, des tonnes de noms, des tonnes de sons. Donc m'en veux pas si j'en fais des tonnes. Pour le hip-hop, c'est ça qui coule dans mes veines. Pas de problème. Yeah. On veut du hip et puis du hop dans les oreilles, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut du hip et puis du hop dans les oreilles. Je veux du hip et puis du hop dans les oreilles. Hop dans les oreilles, du poum, chakaraka poum, dans les tympans, du son qui surprend, du son qui réveille, du punk, du fun, du zouk, du son qui détend. Appuie sur play et décolle aussitôt, bouge la tête comme le fais le point sur un oscillo. De bas en haut, de haut en bas, et tu t'emballes les couilles tant que le son est là, tu t'emballes. Ben oui, la leçon est là, tu m'en mailles. Comment veux-tu pouvoir prêter de la thune sans maille? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu deviens quoi? Il me sent pas de mytho. Genre vente de coca, ces jours prolongés au comico. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Yes, tu n'es qu'un ego. Et tu pensais me dominer. Tu n'es qu'un minot. Genre titi et moi gros miné. C'est pas terminé, j'ai ouvert le robinet. Hein, je check le micro, je suis chaud pour filmer. Ouh, ça s'en mêle encore un petit peu. Encore un petit peu. Yeah. Yeah. Un. Tout en m'attend le pire. Je marche un sourire au bec. Il était temps que je prenne le micro pour pouvoir vous dire avec à quel point j'aime le sud, la chaleur. J'aime l'air pur, la saveur d'une soirée de bâtard avec les potes sans trop calculer l'heure. Le sud c'est ma maison. L'été, c'est ma saison, je me perds entre folie et raison. C'est lui qui fait la liaison. Désolé pour Vitrolles, Orange et Toulon. Mais bon, faut croire que le soleil tape plus fort sur la tête des cons. Ta tête, des pions qui répètent, tels sont, mais je vais te mettre des nions. Parce que moi et ces mecs, craignons, check, baignons les façades à l'amour que ça pète, les fions. De ceux qui voudraient nous la mettre, soyons honnêtes. Faudrait qu'on te jette à l'ombre, à l'air, le soleil. Facho, y'a des renois dans tes combles, marchands de sommeil. Le paradis sur terre existera, même des sauf si t'es pisse, va vivre ailleurs, si t'es sista. Le sud, je l'aime, c'est sûr. Malgré ses défauts, je t'assure, agresser les faux messieurs quand le soleil tape dur. Caresser les mots tout le temps, suant comme un bagnard. Je fume en plus en filant, tuant comme le cagnard. Sur un ego trip de saligo, ça arrive, tu sais que dans ma tête je suis l'almino. Ça fait laisse ceux qui savent faire, faire laisse ceux qui savent paiera paiera, lèche ceux qui savent plaire, qui vivra verra. Si je te laisse à terre, c'est que tu géras. J'ai rarement tué, mais lâche, serre, lâche ce micro. Tu te fais du mal à essayer. Je suis peut-être odieux, mais moi je fais pas que bégayer. Je suis odieux, ce que les dieux sont aux hommes. C'est plus de l'ego trip, mec. Je suis le trou dans la couche d'ozone. La zone se remplit peu à peu quand je sors ma force de frappe. Et dès que je rappe, je pourrais fumer deux à deux tous les MC Black avec de la boue. Mais là, je veux pas faire de rageux. Je ne suis pas là simplement pour faire de l'argent. Le beat est tellement posé, je pourrais doubler le nombre de voyelles. Comme t'oublies le nombre de demoiselles qui t'ont rendu naze. Y'a tellement peu de BPM, je pourrais kicker des consonnes. Ils parleraient d'elles-mêmes, je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des et puis des gros. Je suis un lion, pas un chat, si tu me waf, moi je te. Je suis qu'un non-name honnête, pas un symphonème au maître. Et en miette, je kiffe des sons, quand ça fait sens, bah je m'arrête. Et puis je repars aussi sec, après le litre de pastis que t'as bu sans eau et que c'est que tu sais que je traîne avec des gars plutôt foulés que fait que fucker. Je voulais nous péter les steaks, il fait bellec. Le big mic t'électrise, le hobby te frappe, te maîtrise, te méprise. Tu crises quand je te vexe, mais please, pity, pity, positif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et l'espoir fait vivre. Donc le serpent se mord la queue, il trouve du plaisir. Et c'est peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes goûts de périr. Écoute le délire. Next level à l'avenir, je suis tellement loin en vrai, j'ai plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, pas de problème. Je continue quand même des formes les mots, histoire qu'ils collent à mes phonèmes. Mais quand je suis sur scène, bonne vibration j'amène, ainsi qu'un peu de weed en général caché dans mes veines ou dans le spliff que j'ai au bec, car je m'en balèque. C'est Bill pour Mike, pour toutes les gars et tous les mecs. Et puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'enfuis sur un clin d'œil quand il est temps que je m'éjecte. With you. fond de ma tête, au fond de mon crâne, y'a plus rien. C'est chaud, la fatigue m'envahit. Comment te dire, je ne sais même plus si je suis vraiment en vie. Y'a des jours avec et des jours sans. Et puis y'a des jours où tu finis les yeux en sang, car tu as trop fumé, faut le dire, tu as trop fait quoi. Je ne sais que dire, je m'emmène un peu, mais c'est pas grave, je continue. Tu sais que je peux toujours lâcher un fond qui tube, j'ai le fond qui tue, et puis la forme aussi. Comment te dire, ouais, c'est vrai que je suis pas en forme aujourd'hui, mais je te lâche quand même quelques phrases, quelques rimes, histoire de s'amuser. C'est pas trop naze, c'est jamais trop tard pour le faire. On s'en bat les, on s'en bat les, on s'en bat les guerres. Ouais, je sais pas ce que je dis, je m'en mêle, mais je m'émerveille tout seul. C'est fou des fois, comment dire au microphone, qu'est-ce qu'il y a comme personne. Cette petite guitare, pour ça il n'est jamais trop tard. Non, c'est cool de l'entendre sur le beat, yo. Certains se prennent pour des bœufs, ce ne sont que des tétards. Ça part en live, ça part en couille dans mon cerveau, mais c'est pas grave, c'est ça qui est beau.